Seigneur, merci pour Sainte Boire. Ton amour, tu es tout ce que nous avons de précieux. Nous bénissons ta présence ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ça, ce sont les paroles de Pierre. Le jour où il était rempli du Saint-Esprit, il a dit que David a prophétisé. Ce matin, David a dit, a eu la révélation en tant que prophète. C'est dans le Nouveau Testament où la Bible commence à présenter David comme prophète. Mais Israël a connu David comme roi. Et ici, on nous dit que David a prophétisé. Il a dit que Jésus ne pouvait pas être abandonné dans le séjour des morts. Il ne pouvait pas être abandonné. C'est-à-dire, il était là dans le séjour de mort. Mais il ne pouvait pas passer toute son existence dans le séjour de mort. C'est pourquoi nous parlons du séjour de mort à la résurrection. Puisqu'il ne pouvait pas être abandonné, il y a eu des choses que le Seigneur a faites dans le séjour de mort. Et nous sommes en train de parler de ces choses. Apocalypse chapitre 1er, verset 18 à 19. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Ça commence d'abord par ne crains point. Et Jésus se présente. Qu'il est le premier. Qu'il est le dernier. Oh, ça c'est merveilleux. Nous avons un Dieu en qui sont réunis et le commencement et la fin. Nous avons un Dieu en qui sont réunis et le premier et le dernier. En qui il y a l'alpha, il y a l'omé. Il y a le premier mot. Il y a le dernier mot. C'est une entité. Telle que le premier et les deux mots se retrouvent ensemble. Ça signifie que quand il prononce le premier mot dans ta vie, il a aussi le dernier mot au même moment dans ta vie. Donc, il ne peut pas commencer quelque chose dans ta vie si il n'a pas encore trouvé le dernier mot dans ta vie. Ça signifie ceci. Dieu d'abord arrive à la fin. Il voit comment tu vas réussir. Il voit comment tu vas te marier. Il voit comment tu seras élevé. Il voit comment tu seras guéri. Alors il rentre au commencement. Il commence à travailler pour atteindre la fin. C'est pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Il est le dernier et le premier. Il est le commencement et la fin. C'est une entité où le dernier et le premier sont réunis. Et la fin et le début sont réunis. Oh, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour un Dieu comme celui-là? Il dépasse l'intelligence de l'homme. L'homme, il commence. Il ne sait pas comment ça va s'achever. Mais Dieu, quand il commence, en fait, il a déjà achevé. Si Dieu commence quelque chose avec toi, c'est qu'il a déjà achevé. Sois sûr. Oh, c'est comme ça qu'on change. Même quand dans ton parcours tout devient sombre, sois calme. Jésus leur a dit, je ne vous ai pas dit que vous allez périr. Non, j'ai dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas donné les détails du milieu. Peu importe. Vous commencez, vous allez arriver. Frères et sœurs, ma prière ce soir, tu as commencé, tu vas arriver. Ce qu'il commence, il achève. Même quand ça devient difficile, dis à Dieu, ce que tu commences, tu achèves. J'étais mort. Ça, il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. C'est à l'imparfait. C'est un temps passé. J'étais mort. Et voici aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis. C'est au présent. Bien-aimé, en lui, il y a le passé. Il y a le présent. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Non seulement aujourd'hui, mais au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Et puis il fait maintenant une déclaration. Une déclaration puissante. Une déclaration forte. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est moi qui les tiens. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, Jésus, je les tiens. Comme dit, voici les clés. Frères et sœurs, les clés de la mort et du séjour de mort sont entre les mains de Jésus. Il peut les lui arracher encore parce qu'il était mort. Maintenant, il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Amina. Il détient les clés de la mort et du séjour de mort. Ça signifie que la mort et le séjour de mort ont des portes. Et quand Jésus est mort, il est descendu dans l'abîme. Il est descendu dans la death. Il est descendu dans le séjour de mort. Il a vérifié. Il y avait plusieurs portes. Et à chaque porte, il y a toujours un gardien qu'on appelle les geôliers. Les geôliers, c'est le gardien de la prison. C'est comme ça qu'on appelle les geôliers. Géol, prison. Geôlier, c'est lui qui garde la prison. Donc Jésus est descendu. Il a trouvé qu'il y avait plusieurs portes. Chaque porte, il y avait un geôlier qui avait les clés. Comme un appariteur. Et c'est lui qui décidait qui va entrer dans cette porte. Qui va entrer ici, qui va entrer là-bas. Et quand il reçoit l'instruction du diable, il ouvre cette porte, ça déverse des maladies. Il ouvre cette porte, ça déverse la mort. Il ouvre cette porte, ça déverse des choses compliquées dans nos vies. Quand Jésus est descendu, jour pour jour, il a arraché les clés. Donc, il a arraché, il n'a pas demandé, il s'est imposé. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi il dit, je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Et il nous dit ceci. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont celles qui doivent arriver après elles. Écris ces choses. Qu'on les lise. Parce qu'on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Il a dit à Jean, écrit pour que les gens connaissent. Et hier, nous avons parlé de la première clé. Aujourd'hui, je parle de la deuxième et de la troisième clé pour qu'on ait le temps de prier. La deuxième clé de la deuxième porte que Jésus a arraché, c'est le pouvoir de la mort. Parce que la troisième clé sera l'autorité de la mort. C'est comme ça que j'ai voulu parler de ces deux clés au même moment. La deuxième porte, c'est le pouvoir de la mort. La troisième porte, c'est l'autorité de la mort. Je vais d'abord poser quelques bases rapidement. Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Maître n'est pas là. Olivier n'est pas là. Maître ok, Olivier. Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Je vais essayer d'expliquer tout en restant dans la Bible. Pour que nous puissions bien comprendre les choses. Parce que la deuxième clé, c'est le pouvoir. Et la troisième porte, la troisième clé, c'est l'autorité. Et ici, j'aimerais que nous nous comprenions bien pour bien prier. J'aimerais qu'on ait assez de temps de prier. Je suis en train de suivre l'horloge. Jean 1, 12. Jean chapitre 1, verset 12. Vous connaissez d'air de mémoire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir. Il y en a qui ont le pouvoir, qui n'ont pas l'autorité. L'autorité vient avec le pouvoir. Mais le pouvoir n'a pas nécessairement l'autorité. Bien qu'en Swahili, on a le même mot. Le pouvoir, c'est une capacité. C'est ça? Oui. C'est une capacité. Mais l'autorité, l'autorité, il y a autorisation. Ah, ça c'est bien. Donc, il y a la capacité. Il y a l'autorisation. Tu peux avoir la capacité. Mais on ne te donne pas l'autorisation. Tu as le pouvoir, mais tu n'as pas l'autorité. Mais l'autorité vient du pouvoir. Mais le pouvoir n'a pas nécessairement l'autorité. Je pense qu'on va se comprendre. Je prends un cas dans la Bible très pratique. Ozias, non, c'est le roi Ozias, effectivement. Deux Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 14. Chroniques 26, 14. 2 Chroniques. Deux Chroniques 26 à partir du verset 14 jusqu'au 20-21 par là. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. On continue. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Nous sommes déjà dans l'Ancien Testament. Donc, oh ingénieur, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis l'Ancien Testament. Et destiné à être placé sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, suivez maintenant bien. Ça, c'est le roi. Reprends le verset qui était là. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. La puissance a un danger. C'est une parenthèse. Beaucoup de gens puissants finissent mal. Parce que le cœur s'élève. Or, quand le cœur s'élève, c'est ce que Satan avait fait, l'orgueil, et Dieu l'a précipité sur la terre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Regardez maintenant ce qu'il a fait. Lui, il est le roi. Il a le pouvoir. Le roi a le pouvoir. Mais parce qu'il devient puissant, il entre dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Il a le pouvoir, mais il n'a pas l'autorisation. Est-ce que vous me suivez bien? J'ai pris ce texte pour qu'on puisse se comprendre. La différence entre le pouvoir et l'autorité. Ozias a le pouvoir, mais ce n'est pas son travail. Quand bien même ce serait son travail, il faudrait que le prêtre ou le sacrificateur dise va faire. Mais il dit non. Moi je le fais. Il brûle le parfum. Verset suivant. Le sacrificateur Azaria entra après avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux qui s'opposait au roi et lui dit: tu n'as pas quoi? Tu n'as pas le droit. Mais pourtant les rois, il avait le pouvoir. Ok, c'est comme ici. Le pasteur n'est pas là. Quelqu'un s'élève. Dit non, je vais bénir aussi le mariage. Je vais bénir la table. Je suis Mouzé. Il n'a pas l'autorisation. Il n'a pas le droit. Mais le pouvoir, il a. J'ai pris ça pour qu'on... Est-ce qu'on comprend la différence? Ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Aaron, qui a été consacré. Car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur. Verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre. Donc Dieu a réagi. Mais il a le pouvoir. Mais Dieu dit non. Tu n'as pas l'autorisation. Tu es grand. Mungu mkubwa. Tu es puissant. Unakuwa na uwezo. Tu as beaucoup d'argent. Unakuwa na fedha. Tu as le pouvoir. Unakuwa na mamlaka. Tu arrives chez toi à la maison. Unafika kwako nyumbani. Tu tapes ton père. Unapiga baba yako. Tu tapes ta mère. Unapiga mama yako. Non. Hapana. Tu n'as pas droit. Hauna na ile ruhusa. Tu as le pouvoir. Unakuwa lakini na uwezo. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez un peu la différence? Alléluia. Amen. Luc 14, 11. Luca suraya kumina inemvesia kumina moja. J'essaie toujours de regarder devant. Car quiconque s'élève sera abaissé. Kwa mana yoyote amejinua basi atashushwa. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 10, 19. Nous sommes en train d'expliquer pour qu'on avance bien. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ok, nous allons y revenir. Pouvoir, c'est la capacité autorité, c'est l'autorisation, la puissance. C'est dynamis, comme on dit en grec. Dynamis, dynamique, c'est l'explosion. L'autorité a une source. Toute autorité a une source. Si vous faites bien attention, tous les pasteurs qui bénissent le mariage, ils disent toujours ceci, en vertu de l'autorité que me confère le ministère pastoral, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Donc il puise l'autorité dans la source du ministère. L'autorisation doit venir d'une source. Ephésiens chapitre 1 verset 19. Ephésiens sura ya kwanza verset 19. Et quel est envers nous qui croyons? Nani tena kwetu mwenye tunaamini. L'infinie grandeur de sa puissance. Donc la source, c'est la foi. Sans la foi, bila imani, il n'y a pas. Hakuna. Sans la foi, bila imani, il n'y a pas. Hakuna. Je termine par Marc 11, 28. Namalizia ku Marko sura 11 mpaka 20. À ce moment-là, nous avons la compréhension. Hapa tunakuwa na utambulifu. Commençons même par 27. Tuanze hata 27. Commençons par le verset 27. Tuanze 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Basi wakafika tena Yerusalema. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, na wakati Kristo alikuwa anazunguka ndani ya kalu, les principaux sacrificateurs, basi wakuani wakubwa, les scribes et les anciens, wa, na wazee tena wa kanisa, vinrent à lui. Basi wakakuja kwake. Verset 28. Verset 28. Et lui dit, wakamwambia, par quelle autorité ni kupitia mamlaka gani fais-tu ces choses? Et qui t'a donné nani l'autorité de les faire? Tu dois arriver quelque part, tu signes un document. Mais monsieur, par quelle autorité tu signes ce document? Et qui t'a donné l'autorité? Vous savez une chose, même le PDG de PDG, il y a des choses qu'il peut faire par le pouvoir, mais il y a des choses pour les faire. Il doit recevoir l'autorité du conseil. Le conseil aussi pour faire. Il doit recevoir l'autorité de la tutelle. La tutelle donne l'autorité. Alors on dit à Jésus-Christ, tu fais beaucoup de miracles, mais aujourd'hui tu dois nous expliquer qui t'a autorisé. Qui t'a donné l'autorité? Frères et sœurs, tu injuries les gens. Tu tapes ta femme. Même si tu es dans la maison de quelqu'un, vous arrivez à commencer à manger sans toute avoir la permission. Quel genre d'autorité, même s'il fait partie de ta femme, même si c'est ta belle-sœur, vous arrivez comme ça chez ton frère. Commence ici à brandissel et puis tu ajoutes. Il dit, hé hey, frère, on douce, date. Qu'est-ce qui se passe? Nous, par quelle autorité tu fais ces choses? Parce que c'est anormal. Et aussi, ils ont appelé Jésus. Explique-nous. Et le verset suivant, bon, Jésus était tellement sage que c'était très compliqué. Jésus leur répond, moi aussi je vais vous poser une question. Si vous me répondez, je vais vous dire qui m'a donné l'autorité pour faire ces choses. Le verset suivant, il dit, bon, le baptême des gens, venait-il du ciel ou des hommes? Ce qui m'intéresse, c'est que l'autorité doit venir de quelque part. L'autorité a une source. Des hommes? Du ciel ou du diable? Maintenant, eux-mêmes commencent à se battre dans leur raisonnement. Bon, si on dit des hommes, non. Si on dit du ciel, ils vont nous demander pourquoi vous n'avez pas cru. Ils ont dit non, on ne sait pas. Bon, vous avez dit, je ne sais pas, moi je ne vous réponds pas. Ok, donc la deuxième clé, c'est le pouvoir de la mort. La troisième clé, c'est l'autorité. J'ai préféré expliquer d'abord pour qu'on se comprenne et qu'on avance ensemble. Maintenant, c'est clair. Est-ce que c'est clair pour le moment? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc, nous avons compris la différence entre l'autorité et le pouvoir. Les avocats vont faire un débat très compliqué. Bon, on n'est pas là. Là, c'est à l'Assemblée nationale. Nous avons pris l'essentiel. Alors, deuxième clé, deuxième porte, c'est le pouvoir de la mort. Corinthiens chapitre 15, versets 54, 55, 56, la Bible nous dit, oh mort, où est ton pouvoir? Donc la mort a un pouvoir sur toute vie, sur tes personnes, La mort exerce un pouvoir. Vouloir ou pas. Ou amini ou si po amini. Et par crainte de la mort. Les hommes ont commencé à vivre sous l'esclavage de la peur de la mort. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire cette peur. C'est moi, un enfant de Dieu. Comme on a lu dans Apocalypse 1er. La fin du verset 17 pour entrer au verset 18. Jésus dit, ne crains point. Jésus-Christ, tu veux détruire la peur de la mort. Les portes de la mort, on peut les ouvrir pour une personne. Pour une maison. Pour une vie. L'ennemi ouvre les portes de la mort. Ça signifie quoi? Il envoie les esprits de mort. Les esprits sont enchaînés quelque part. C'est lui le gardien. Et il vient sur une vie. Il ouvre. Et ses esprits sont libérés. Sur une famille. Sur une vie. Sur des affaires de quelqu'un. Tout se casse. Vous sentez la mort. Vous pouvez sentir la mort. Vous entrez dans une maison. Vous faites quelques affaires. Vous sentez la mort. Mais il n'y a pas de vie. Vous regardez la personne, il n'y a pas de vie. Job chapitre 18 verset 38 verset 17. Et Esaïe 38 verset 10. Na Isaïe. Nous parlons de ces deux passages et puis on passe à autre chose. Écoutez ce que Job dit. Les portes de la mort, milango ya kifo, dont-elles étaient ouvertes. Et tu me kubakilia wazi. Job qui a traversé cette situation. Il dit, est-ce que les portes de la mort, on les a ouvertes sur toi? Oh, il y a des personnes, bien-aimées, qui vivent une vie où les portes de la mort, 2025, l'année commence. On est pour libérer le potentiel. Mais ce soir, il y a quelqu'un, Jésus-Christ, qui a déjà arraché les clés de la mort et du séjour de mort. Job dit, les portes de la mort sont-elles ouvertes? Frères et sœurs, regarde ta vie et regarde si les portes de la mort sont ouvertes sur ta vie. Et nous allons voir comment ça se manifeste. Esaïe 38, verset 10. La suite, on va revenir après. Écoutez ce que Esaïe dit. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes de ces jours de mort. Je suis privé du reste de mes années. Vous comprenez ça? Relisons. Parce qu'on doit bien comprendre. Je dois m'en aller. Na pasha kuenda. Malheureusement, je n'ai pas de lettres comme on faisait à l'école. Aux portes du séjour des morts. Kumilango ya Hades. Regardez ce que ces portes font. Mwangalie ile ili milango iko na fa. La dernière verset et la dernière phrase. Basi mstari wake wa. Je suis privé. Na kuwa mwenye kutiwa pembeni. Je souligne ici. Na weka basi mstari hapa. Privé de quoi? Na nini? Du reste. Na yenye imebakilia. C'est-à-dire. Ni kusema. Mes années. Miaka yangu. Je devais en avoir 80. Nilipasha kuwa na makumi mnane. Mais parce que les portes de la mort sont ouvertes. Lakini milango ya kifo iko wazi. Mes années s'arrêtent à 60. Miaka yangu nabakilia makumi sita. Je suis privé de 20 autres années. Na miaka 20 inakuwa ya mkutiwa pembeni. Ça signifie ceci. Inataka kusema hivi. Que les portes de la mort. Milango ya kifo. Amène la mort prématurée. Inaleta kifo kia kianya kingari kitoto. Ah, très bien. Oui. La mort prématurée. Lufu lwa butoto. Lufu lwa butoto. Lwa kabishi. Etre kabishi. Donc, au yaivia, ma miaka yaivia. Non la koufa. Oh, ce soir. Mangaribia leo. Bien aimé, ce soir. Mupendwa mangaribia leo. Kama utomboke ni mwenyewe. Si vous ne vous énervez pas, c'est vous-même. Vous savez, quand je méditais sur ça, comment je peux faire mon vœu à Dieu? Qu'est-ce que 1000 dollars par rapport aux années de ma vie? Qu'est-ce qu'une maison par rapport aux années de ma vie? Je peux donner une maison à Dieu. Je peux prendre un véhicule, je donne. C'est quoi ça? Par rapport aux années de ma vie. Parce que ça s'arrête aujourd'hui. Frères et sœurs, mais celui qui va prendre ton véhicule, c'est peut-être le fou de la famille. Il prend, il va là, il se cogne. Celui qui va prendre ta maison, c'est peut-être celui qui ne sait même pas entretenir une maison. Je ne parle pas tellement de coutumes. Hein, je ne connais pas les autres coutumes. Si mais chez nous, quand quelqu'un est décédé, le deuil est terminé. Ça me fait toujours mal. Le dernier jour, les gens sont assis dehors. On vient avec tes habits. Les Dior, les marques, comment ça s'appelle les marques? Versace. Quoi encore? Gucci. Quoi encore? Hein? Louis Vuitton. Quoi encore? Hein? Adidas. Quoi encore? Nini Tena. Louis Vuitton, super, wax. Super, ma roi. Banakwa nabio. Il vient avec. Et puis, na mouma valise. Na mou, comme il va kufunga. Banafika pa bantu, banabitu, pas seulement. Ils arrivent au milieu, ils jettent. Ah! Oh! Mon Dieu. Mungwa. Les Louis Vuitton là. Ma Louis Vuitton, il est. Les Mazantom là. Les Mazantom. On les met là. Baneweka pa katikati. Oui, on a quoi dans le côté? Quel est le côté? Oui, on a chakula. Il y a une fraîche. Il n'y a même pas de respect à ta kunja. Oui, c'est bien. Ashi kunja ta. Bara lokota. Ils sont en train de ramasser. Oh, bien aimé. Mupendwa. Quelqu'un m'a vu à Lubumbashi. Mutu ananiona ku Lubumbashi. Il nous aide beaucoup. Pour voyager, tout ça. Dieu a kusafiri. Mais je n'avais pas eu l'occasion d'arriver aux deux. L'autre semaine, on avait séminaire. Lakini sikuwa na wakati ya kwenda kilio kwa man, kwa ajili tulikuwa na maombi. Là, il me voit. Ananiona. Il entre dans mon bureau. Anaingia ndani ya ofisi yangu. Je dis comment ça va? Sema namna gani? Paul Sana, je m'excuse, je n'ai pas pu être là. Oh, na kuwa tena. Il dit non, chef. Je vais vous expliquer. Tapenda mifasiri. Ma femme est décédée. Toto wakati alikufa. J'ai eu des problèmes. Il pata mambo. On m'a tout arraché. Bana ni nyanganya biote. Tout. Biote. Donc dans ma maison, tout ce qu'on avait acheté avec ma femme, je n'ai plus rien. Chaise, casserole, kiti, lit, biungu, mwiko. Mbekechi, en français, c'est quoi? So, on a tout arraché. Yote bananyanganya. Je n'ai rien. Chine na kintu. J'ai eu mal. Niko mwenye kumizo. J'ai eu des larmes. Nakuwa na machozi. Voici ce que je peux faire. Mais c'est rien. L'essentiel. Ya muhimu. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Je lui dis, est-ce que vous priez toi et ta femme? Oui, kanisa yetu. Notre église. C'est juste à côté de notre maison. Mais la famille de ma femme, ils étaient tellement furieux. Furieux ni colère. Ils étaient tellement méchants. Il n'y avait même pas façon de parler. Je m'étais d'abord. Il n'est qu'à là. Et puis il ajoute. Pire encore. Pire. Boubaya. Banyanganya na batoto. Tu connais batoto ba 5. Na batoto bote banyanganya. Ils m'ont pris même les enfants que j'ai posés. Asseni batoto yabo. Donc pour le moment, à passer ça. Chef ni komi mwenye we kwangu. Akida niko tu mimoya. Comme vous n'étiez pas là. Vila mkuku yapo. J'ai tenu à venir vous en parler. Nilikuya tu kumisungu muzi. Frère. Dugu. Vous comprenez? Muna elewa. Ça. C'est le bien que tu t'es battu toute ta vie. Un bon frère là, après avoir pris le chicha, il vient faire ça. Anakuya. Assidua ta priorité, il ne sait même pas par où tu as traversé. Bon, tu ne sais pas te défendre, peut-être qu'il est gros, il a les armes. Comme je l'ai dit hier, on profite de la position de faiblesse de quelqu'un. Non, faiblesse. Pour lui faire du mal. Parce qu'on sait qu'il ne va pas réagir. Et c'est comme ça que les gens aussi, dans les positions de faiblesse, de peur, ils font des alliances compliquées. Donc aujourd'hui, ce frère-là n'a rien. Rien. Amkuna kintu. Rien, c'est-à-dire que même pas les enfants. Nikusema ashina tana batoto. Mais là, je lui dis, mais ton fils est né. Mutoto wako kwani? Asa pana kwa na 17 ans. Wa mwisho kwa na 6 ans. Il a 17 ans. Banasema. Excusez-moi le terme. Mukia kwetu. Selon notre coutume. Batoto ni betu. J'ai dit quoi? Les enfants les appartenaient au moins. Na se nini ile? C'est comme ça de demander frère. Mbraza komba. Est-ce que vous priez? Ah ça non, madame n'a mis de trans à combe. Oui, ma femme et moi, on était en train de prier. On n'avait pas beaucoup de temps parce que je devais rentrer aujourd'hui. Il y a des engages compliqués, il y a les autorités qui viennent à Lubumbashi. Tout ça, ça nous a compliqué. Bref, on n'a pas eu le temps d'échanger avec lui. Mais Dieu me fera grâce de parler avec lui. Qu'il aille parler avec sa belle femme. Mais vous vous rendez compte? Maintenant, si je dois prier pour que Dieu change ma situation, pour que mes années ne soient pas réduites, le reste de mes années, qu'on ne les bouffe pas, pas des morts prématurées, frères et sœurs, tu dois arriver à 80 ans, tu ne peux pas accepter de mourir à 50 ans, tu ne peux pas accepter de mourir à 40 ans. Non, bien-aimé, le diable, il ouvre la porte de la mort, il libère le pouvoir de la mort pour donner les morts prématurés. Non, bien-aimé, ce soir, il doit prier et refuser que ces choses arrivent dans ta vie. Non, bien-aimé, il n'y a rien de mauvais. Oh, il croit dans mon père. Dans la vie. Mon maïcha. Qu'un parent qui enterre son enfant. Mumuzazi akajike mtoto yake. Ce n'est même pas biblique. Aina atandani ya Biblia. C'est aux enfants. Ni kwa watoto. D'enterrer les parents. Kwenda kuzika wazazi. Quand tu enterres les enfants, c'est pas correct. Ça, c'est la mort prématurée. Frère, soeur, attends, on a mouton. Si vous avez votre wakabi, si vous maternité, même si les cabichons maternité, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Tu dois prier. Ah, on n'a pas refuser la mort. Katala kifo. Et il ne va pas mourir. Na ashita kufa. Bantu. Il y a des gens qui ils ont été nés des cabis. Aujourd'hui, ils sont des ministres. Président de la République. Aujourd'hui, ils sont des présidents de la République. Wangu atakufa. Oh, comment est-ce que ma cabis va mourir? Jamais. Apana. Mweke mukuveuse. Mita mulombe. Je vais prier pour lui. Ataisi. Il va vivre. Atapona. Et il sera guéri. Dans le nom de Jésus. Fini les morts prématurées. Oh, apakuna bifo bia buto. Fini les morts prématurées. Apakuna bifo bia bukabishi. N'accepte pas tant ta vie. Ushitike maisha yako. Qu'il y ait des morts prématurées. Kukuye bifo bia buto. Dans votre famille. Oh, mutiama yako. Le reste des années. Miaka yenye na kubakilia. Quelqu'un les bouffe. Mutu anekula tu hivi. De mes années. Mumiaka. Yango, mes années à moi, au pluriel, au mwingi, quelqu'un va les bouffer. Même si tu es malade, Ezekiel c'était malade. Ezekiel, le prophète lui amène une prophétie. Il dit tu vas mourir. Ezekiel dit à Dieu, Ezekiel la mort prématurée, pas question, je me tourne vers le monde. Je te rappelle mes voeux et mes offrandes. Je te rappelle ce que j'ai fait. Il est nilifanya. Le même prophète. Oh, unabi moya moya. Rentre chez Ezekiel. Anarudi atena kwa Ezekiel. Non, tu as changé d'avis. Oh, Mungu anabadilisha. Frères et sœurs. Dugu na dada. Mungu anasanzaka. Tu es peut changer. Anasanzaka. Il change d'avis. Naomba. Oh, s'il vous plaît. Aujourd'hui. Mungu atasanzaka. Tu es va changer. Maisha yako. Ta vie. Les morts prématurés. Oh, il faut qu'abouto. Ça ne va jamais t'arriver. Dieu va changer. Dieu va changer. Alléluia. Amen. Dieu est en train de changer. On va prier. Je passe à la troisième clé. Sinon, on n'aura pas le temps de prier. Troisième clé, je parlais de l'autorité. Donc, le pouvoir libère des morts prématurées. Retenons ça. Parce que nous allons entrer dans une forte prière. Troisième clé. Jésus est venu détruire l'autorité de la mort sur la vie. Et j'ai déjà expliqué la différence entre pouvoir et autorité. Je suis le bon berger. Dans l'Ancien Testament, le bon berger. Le psaume 23. Le bon berger. N'a pas dit ce que Jésus a dit. Jésus a ajouté. Que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est parti dans le séjour de mort. Pour nous donner la vie. La seule façon de détruire la mort, c'est de donner la vie. Alléluia. Amina. La seule façon pour nous, oh, ce soir, ma prière, Dieu pour détruire la mort, donne-nous la vie et nous vivrons. Donne la vie à nos maisons, donne la vie à nos affaires, donne la vie à l'église, donne la vie et nous vivrons. C'est la seule façon de pour nous de détruire la mort. Proverbe 7, 27. Mizali sura saba, ishirina saba. Oh, est-ce que ici je vais terminer? Bon, on y va quand même. Proverbe 7, 27. Mizali. Sa maison. Nyumbayak. C'est le chemin du séjour de mort. Inakuwa ninjia ya adesi. Le chemin. Njia. Retenez bien le chemin. Mubambe mzuri njia. Du séjour de mort. Yadesi. C'est-à-dire où on a tembé à vous. Vous êtes en train de marcher là-dedans. Avec comme objectif. Na shaba. C'est juste arriver à la mort. Loufou ayafika. La mort n'est pas encore arrivée. Mais où on a tembé à vous. Mais toi, tu es en train de marcher dedans. Pour que tu puisses aboutir à la mort. C'est ça l'autorité de la mort. Job chapitre 10 verset 21 à 22. On va courir un peu. Tout à l'heure, quoi, raka? Pour qu'on ait le temps de prier. Quoi, dis-tu, non, les notes, Albert, tu vas faire speed, tu les mets sur les trucs. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Masiku yangu aina kwa isabu ndogo. Qui me laisse? Yenye na bakilia. Qui se retire de moi? Yenye na jitosha mwangu. Et que je respire un peu. Na mina pumuzika kidogo. Ça c'est Job qui dit mes jours sont en petit nombre. Uni ayubu anasema masiku yangu na kwa kidogo. Bana cheko fwashi ni pumuzike kwa kiloko. Qui me laisse aussi de l'espace que je puisse aussi respirer. Verset 21. Verset 21. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir. Donc avant que je m'en aille pour que je ne puisse pas revenir. Donc avant de couper, avant de mourir, tu me laisses un peu de l'espace. Je vais aller où? Je vais aller où? Dans le pays des ténèbres. Et de l'ombre de la mort. Na ya kivuli ya kifo. Donc l'autorité de la mort se manifeste par l'ombre de la mort que l'ennemi envoie sur nous. L'ombre de la mort. Vous connaissez le psaume 23 verset 4. Munajua Zaburi 23. Psaume 23 verset 4. Zaburi 23 verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est comme ça qu'on a parlé du chemin. Donc l'ombre de la mort poursuit les gens sur le chemin. Tu n'es pas encore mort. C'est juste l'ombre de la mort. C'est l'ombre de la mort. C'est quoi l'ombre de la mort? Ce n'est pas encore la mort. Mais retenez bien. Ce sont des jumeaux. La mort et le séjour de mort. Donc la mort et l'ombre de la mort marchent ensemble. L'objectif de l'ombre de la mort, c'était de détruire à petit feu. Ça signifie couvrir, en fait, l'ombre de la mort, c'est des moments d'oppression. Ni wakati ile ya kususwa. Des moments des épreuves. Ni wakati ya kupitilia mambo ya nguvu. Terrible. Ya nguvu zaidi. Tout ce qui est avec toi. Kule yote yenye nakuwa nawe. N'avance plus. Abiende kumbele. Tu n'es pas mort. Au ya kufwa. Mais malade n'a coupé que ce qu'on condamne. Attends, peuple, pourquoi vous voulez dire qu'on mais tu es frappé par la maladie, même s'il y a des vents, tu peux même tomber. Les gens voient en toi la mort. Ben, tu veux qu'on a moi qu'on m'a gondé. Mais tu n'es pas encore mort. La kini wa ya kufwa. Tu avais de grandes activités. Pourquoi on a ma case moi m'kubwa. 20 camions. Ma camion 20. Ma camion yote pa maibwe. Ma camion yote ne kala pa maibwe. Vous êtes à Kongola makuta. Vous commencez maintenant d'apprendre l'argent. Tu avais construit des maisons. Uliyenga manyumba. L'incendie vient. Moto inafika. Les maisons se brûlent. Manyumba yote nalungula. C'est Job qui nous parle de ces choses. Ni kuibi bit. Mettez Job 16:16. Mwek Ayubu sura 16 verset 16. C'est l'ombre de la mort. Ni kivuli ya kifo. Les pleurs ont altéré mon visage. Makulia kunafinika tena uso yangu. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Job n'est pas encore mort. Même si sa femme lui dit, maudit Dieu est mort. Parce que maladie ça comme pique Job. Parce qu'il était frappé par la maladie. Kaloko sana. Ulcère. Anadju. C'est un cancer. Il coûte un animal. Aujourd'hui, on parlerait du sida. Le tunaïza kusemani sida. On parlerait, je sais, de quelle maladie. Na si Dieu kaptasema gondwa kani. Job est resté comme ça. Ayubu elbakiani mukonde ça. Sa femme voyait la mort. Aussi longtemps que tu restes, ça pèse sur nous. L'ombre de la mort pèse sur les vivants. C'est pourquoi pour en être libéré, deux choses. Soit tu meurs, ça s'arrête là. Soit Dieu intervient. Oh, je prie. Ce soir, tu ne vas pas mourir. C'est Dieu qui va intervenir. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui va intervenir. Dieu va intervenir. Mungu parfois, nous faisons des affaires. Mara ingine, tunafanya biashara. Vous êtes un homme d'affaires. Unakuwa mtu wa biashara. Bien-aimé. Mpendo. Priez. Oma. Je pense que demain, c'est vendredi, on va reprendre par ça parce que je cours. Nazania, question is, yatano. Je ne sais pas si je vais terminer. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'ombre de la mort. Beaucoup de choses. Mettez Matthieu chapitre 26, verset 37 à 38. Matthieu. Je donne ça comme dernier verset. Les autres deux versets sur l'ombre de la mort, on va les reprendre demain. Pour donner les deux autres clés. Comme on a la table, Matthieu, je l'ai gardé là-bas, excusez-moi. Matthieu chapitre 26, Matthieu, chiri, nasita, verset 37. Vesia, talasi, nasaba. Jésus a pris Pierre et les deux fils de Zébédée. Na wano wa wili wa Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Voilà comment l'ombre de la mort intervient. Tazameni namna gani kivuli ya kifo nafikilia. Bien-aimé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si Dieu est comme un bicha kumifikiaka. Ou que tout bien, moukou bien mon nyumba. Vous êtes bien dans votre maison. À un moment donné, wakati tu m'oyevi, une tristesse qui ne s'explique pas. Unakuya tu buluma bumwa bwenyabuna tana. Une angoisse qui ne s'explique pas. Unakuwa tu mateso moi nakuwa enya enatana. Tu sens que là, je suis en train de partir. Apa mina fia kwenda. Tu sens qu'il y a un problème. Unasikia tu apa peko mambo. L'ennemi est en train de te pousser au mal. Il y en a qui sont à l'extrémité du suicide. Pendant ce temps, je ne vois plus rien. Je ne vois que le mal est irréparable. Que le mal est irréparable. Je ne vois plus rien. Mission est quinte. Je connais un vieux. Un aîné. De notre quartier à Kolwezi. 5 fois. Maratano. Il a bu du poison pour mourir. Alikunya tena sumu kwa ajili ya kufa. Donc, l'ennemi, dans les mêmes conditions, Mou, il l'a mené toujours à la limite. Alikuya nafika paka mkipaka. Et puis, on le sauve, il revient. Kisha tena ona mkombo anarudia. Une autre fois encore. Mara ingine tena. Et encore tena na tena. Aujourd'hui, il a reçu le Seigneur en Belgique. Le anapokea tena na kwa Belgique. Donc l'ombre de la mort, kusema kivuli ya kifo, Jésus dit, Yesu anasema, ça l'a saisi. Basi kamushika, mon âme nafsi wangu est triste jusqu'à la mort. Inakuwa muzuni mupaka kukifo. Roho inakuwa mweusi. Sona mete tellement triste. Kimvuri kia mauti kina mufunika. L'ombre de la mort lui avait en moi couvrir. Qu'est-ce que je dois faire? Nini mina weza kufanya? Restez ici. Éveillez avec moi. Verset suivant. Verset 9. Puis il a fait quelques pas en avant. Il se jeta sur sa face. Et pria. Frère, nous sommes dans la semaine de Pâques. Je bénis Dieu. C'est vrai que tous les jours, je fais des allers-retours sur Lubumbashi. Mais je dis, Seigneur, que je fasse tout pour que je termine. S'il faut rentrer la nuit, je rentre la nuit. Mais d'abord, je viens. Parce que c'est très important. Si tu ne pries pas, l'ombre de la mort restera sur ta vie. C'est comme des boulanguettes. Plus on a traîné sur les boulanguettes. Au moment où vous êtes en train de traîner sur ces boulanguettes, jusque pas le takufa. Pas capable le takufa. Mais Léo, mais aujourd'hui, qu'est-ce sur la maison? Demain, tout paye les boulanguettes. Il faut enlever ça. L'ombre de la mort Kifo, ne touche pas seulement une personne physique. Aïguse tout le monde tubinafs y'a pas. Une personne avait peur des choses, binanza tout courir à l'écran. Télévision est à couf. L'écran. Ma chambre est à l'ongoua. Demandez à Job. Moulise à Yubu. Ma chambre est à l'ongoua. Son champ est brûlé. Bivouko. C'est troupeau. Bien à l'ongoua. On a bien à l'ongoua mon maï. Banako banabiba biot. Pourquoi on a projet? Tu avais des projets. Une personne est partie avec l'argent. Il s'enfuit et il part pour l'homme. Tu ne sais même pas par où il est parti. Non, les Chaldéens sont venus. On explique à Job. Pendant qu'il termine, on appelle, demain on va revenir sur ça. Qu'est-ce que tu il n'a pas encore fini. L'autre vient. Moi j'étais là. Batotoyako, des enfants banakufa bote et tous ils ont perdu la moya. Il y a même pas Arsema Aïche avant qu'il termine l'autre vient aussi terre na nyumba inye et la maison aussi Tirilungua a été brûlée. Job il a investi Alfanya Akiba, c'était l'homme le plus riche de l'époque. Ni mutu mtajiri kwa ile wakati. Frère Duk, parmi nous ici kati yetu. Peut-être que je ne sais pas qui a dit tête de vache. Ni nani yako tuna bambouji. Peut-être que vache. Bambouji tu. Vache. Bangombe. Yote inakufa. Tout. Nyumba inapomoka. La maison est détruite. Souvent on me dit toujours non, il faut investir dans l'immobilier. Na pasha kufanya tena akiba ndani ya mali. Investition en Dieu. Tufanya akiba kwa Mungu. Frère, donc, quand je vois comment on est en train de casser la Palestine, de casser l'Ukraine, quand je vois ce qui s'est passé à Kinshasa, ça, c'est l'ombre de la mort. Ce kifo. N'est pas encore la mort. Aina kifo. Maïna la mouka tout. Maïna la mouka. Ina meza na miotoka na manyumba. Donc, sur la terre, Kulbulongo. Nous sommes vulnérables. Tu n'as quoi à j'ai cherché en Swahili le terme qui n'est pas venu. Nous sommes très vulnérables. Tu n'as quoi à oli. Non, non, tout ko. C'est quoi vulnérable en Swahili? Et bon, vous avez compris. On a élevé. On va perdre du temps. Tout ko. Susceptible ya kupata mambo yote ya mubaya mumaisha. L'homme est vulnérable. Malari nezi kumua. La maladie peut lui tuer. Makilili nezi kumua. Le médicament aussi. Fura nezi kumua. La joie aussi peut lui tuer. Anjika fura ya kupita na luka. Il est tellement rempli de joie. Ana lukiriria. Kuri ya kunezi kumua. Boule. Namai, en allant dans la coulale. Il s'endort. Bon, peut-être qu'il faut aller en enfer, ça, si on ne sait jamais. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont beaucoup mangé. Il y en a aussi qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé. Il y a des gens qui sont morts en la ririria. Bien-aimé, on ne sait pas. L'homme est très vulnérable. Nous sommes très vulnérables. Jésus, Yesu, à Gethsemane, ku Gethsemane, il n'est pas encore mort. Asiyakufa bad. Là. Écoute. Pierre, Petro, Jean, Johann, Jacques, na Jacob. Il a séparé en deux. Anagawanya bipande viwili. On verra peut-être selon les révélations et selon les niveaux. Fatana tena na mafunuo tena. Kuko bengine mushibakise mwele kipimo. Jutu ya mapendo. Just pour l'amour. Munabacha kumbari. Le ravelé c'est très loin. Anabacha mbari. Le ravelé c'est un peu loin. Na baba ba 3. Il prend ses 3 ici. Ananza kuomba nao. Il commence à prier avec. Pendant qu'il priait avec, il leur avait dit non. J'ai ça en moi l'ombre de la mort. Ça se manifeste comment? Dans la vie personnelle. Une tristesse, tu ne connais pas l'origine. Frère, Ndugu. Un pasteur, le pasteur Freddy disait souvent ici, pasteur, que si tu sens la tristesse, test envahir, c'est la carte de visite du diable. Ukishikia tu uzuni kukuingilia inakuwa ni kionyesho ya upegulivu. Unalamuka bro. Il y a une visite. Vous réveillez seulement comme ça, kuko pegulivu dans les environs. Mu kando kando ya. Dans la famille, mu jama, dans ta vie. Ndani ya maisha yako. Mon âme est dans l'angoisse. Nafsi yangu najikuta ndani. Mon âme est triste. Nafsi yangu inakuwa ndani ya uzuni. À cause de cette heure. Kwa ajili ya hiyo. Il dit, restez veillés. Quand ça devient dur, il se sépare même de 3 hommes. Il va seul pour prier pour que la couverture de l'ombre, l'ombre c'est une couverture. N'oubliez pas que l'ombre de la personne le suit toujours. Et quand tu as pas de l'ombre de la mort, na wakati wanazungumzia kifo, ça te suit. Frères et sœurs, il y a des gens, tu penses que voyager ça, unafikiria kusafiri na tu voyages avec l'ombre de la mort, unasafiri na kifo. Tu montes dans l'avion avec l'ombre de la mort, tu vas dans Dar es Salaam avec l'ombre de la mort. Il y a des gens qui sont morts à Dar es Salaam, il y a des gens qui sont morts à Dubaï, il y a des gens qui sont morts en Europe, parce que l'ombre de la mort les accompagnait. Mais ce soir, Dieu, nous voulons prier, détruire l'ombre de la mort, prier pour que cette ombre soit ôtée sur nos vies. Ça sera ôté au nom de Jésus. Nous devons prier cette semaine l'ombre de la mort, les morts prématurés. On veut bouffer les années de nos vies. Non, frère, nous refusons ce soir. Nous allons prier. Demain, nous prierons pour que Dieu nous fasse grâce. Oh, lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Les moments sont sérieux. Le temps est mauvais. Aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer. Jésus-Christ, Jésus-Christ il a déjà arraché les clés de la mort prématurée. C'est ça le pouvoir de la mort. Il a déjà arraché l'autorité de la mort. C'est ça l'ombre de la mort. Nous voulons prier ce soir que Dieu nous fasse grâce. Frères et sœurs, je ne connais pas ta vie. Lève ta main. Lève ta main. Que tu pries. Ce soir tu vas prier. Mais pendant les 10 minutes qui nous restent, changa biote biwiri. Oh, parle avec tous les deux. Refuse les morts prématurées. Refuse les morts prématurées. Refuse l'ombre de la mort. Sur ta vie. Pas maisha yako. Mangaribi ya leo. Ce soir. Ikwe maisha yako. Que ça soit ta vie. Maisha ya nyumba yako. Que ça soit la vie de ta mère. Maisha ya watoto yako. Que ça soit la vie de tes enfants. Que ça soit la vie de tes enfants. Ce soir. Mangaribi ya leo. Refuse. Commence à prier. Andako. Katala. Refuse. Katala. Refuse. Katala. Refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père. Rebo Sake. Ripare de Soyabada. Dieu de gloire. Seigneur Dieu. Mirakatala. Merci. Yahweh Père. Par les veines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes années. Ne me serons pas les veines. Je refuse. Mirakatala. La mort prématurée dans ma vie. La mort est prématurée dans nos vies. L'ombre de la mort. ce soir, refusant Yahweh, refusant Dieu. Refuse. Oh, papa. Yahweh. Papa. Ce soir, je prie Jéhovah, le Dieu qui a le pouvoir sur la mort et le séjour de mort. Dans le nom de Jésus. J'arrache. Oh, puissant de Jésus. Prie ce soir. Prie ce soir. Nous sommes en train de détruire des choses. Nous sommes en train de proclamer par la foi ce que Jésus-Christ a réalisé pour nous. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main. Nous sommes debout toute la salle. Toute la salle debout. Mais c'est sérieux. Lève ta main droite. C'est ma bonne à Jésus. Il est mien car il baquait mon maïs saillant. Akuna la taninyanganya yo. Akuna ula taninyanganya yo. Akuna la taninyanganya batoto yam. Akuna ula taninyanganya batoto yam. Akuna la taninyanganya kizazi kiam. Akuna ula taninyanganya kizazi kiam. Tuba kufe prématurément. Tuba kufe prématurément. Mina katala. Ma mort prématurée. Oh, ma mort prématurée. Maïs saillant. Batoto. Maïs saillant. Buana, maisha ya bibi, maisha ya kizazi, onote, Jésus, onote, Jésus, commence à prier, et détruire, oh, aribu, refuse, aribu, Baba Magaribi ale, mina katala, ma mort prématurée, mou maisha ya, je refuse, mes années, hey, que mama. Mes années ne me seront pas arrachées. Mes jours ne me seront pas arrachés. Les jours de mes enfants, les jours de ma femme, de mes frères. Oh, alléluia, je ne savais pas ça. Yahweh, ce soir, la catale, Viens avec toute la famille. Fais un vœu qui va étonner Dieu. qui va étonner Dieu. Parce que c'est la vie, bien-aimé. La vie vaut mieux que tout. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Lève ta main. C'est ma bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Kimvuri kyote. Kya kifo. Munyumba yangu. Mumakazi yangu. Mubatoto yangu. Ile kona touche makazi. Ile kona touche bitu byangu. Ile kona touche maisha ya batoto. Kimvuri byote bya kifo. Mangaribi ya leo. Ninabivula. Ninabikatala. Commence à prier. Commence à prier. Bien, vous ribiote. Oh. Yahweh, bien, vous ribiote. Bien aimé. Bien, vous ribiote. Dans le nom de Jésus. Prie. Roma. Roma. Oh, commence à prier. Commence à prier. Prie. Oh bien, mais prie le Seigneur. Oh ma voilà. Ce soir, toi, il est différent. Oh bien-aimé, prends ton vœu. Prends ton vœu, le moment est sérieux. Prends ton vœu. Si tu n'as pas un vœu ce soir, écris ce que tu veux comme vœu à l'Éternel. Bien-aimé, c'est un moment sérieux. Nous sommes en train de nous arracher de la mort. Les morts prématurées. Oh bien-aimé, je l'ai dit, même si tu n'es prématuré, tu ne dois pas mourir prématurément. Pas question. Le reste des années de ta vie, Bantu bakatishi chez miaka yako 60, 40, 45. Non, bien-aimé. Attends, on a quoi malade? Même si vous êtes Aoutakoufa. Vous ne l'êtes pas. Bakariaka yene. Jusqu'à ce que vous allez atteindre là. Vous connaissez. Que Dieu te guérit. Oh bien aimé, c'est sérieux. Il n'a quoi à dire. On nous dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est ma parole. Il m'a moyen à quoi à y. Nous sommes les lions de la tribu de Juda. Alors tu ne dois pas mourir. Fais un vœu avec Dieu. Dis Seigneur. C'est ma boire. Ça c'est mon vœu. Si tu ne t'es pas préparé aujourd'hui, demain nous avons la table. Nous allons prier pour toutes les cinq clés. Donc je vais dire quatre clés. Je vais te mettre dimanche avec nous, ça dépend. Soit les cinq, soit quatre. Mais nous voulons demain. Bien aimé, il faudrait qu'après la Pâque, tu deviens léger. Ce n'est pas normal. On va lire ça demain. Il y a des vies comme ça. Quand il y a l'ombre de la mort, l'autre est en train de trouver la guérison. L'autre aussi. J'entre dans la maison d'un ami. Juste en entrant, je ne fais pas comme Congo. Mais c'est moi, où est-ce que le pharmacien ou bien? J'ai regardé et lui dit, c'est toi le pharmacien. Ou quoi? Il avait tout genre de médicaments. Il me dit, non. C'est ma panne. Bien que malade. Ma femme est souffrante. Parce que tu as 5 que malade. Mes enfants sont souffrants. Qui l'a foutu dans la dawa yak? Toute personne a dawa yak. Aïna dawa moya. Aïna dawa. Ma dawa 3-4 comme ça. Au moins 4 ou 3. Non, mon frère. Nous devons prier. On doit prier. Ça, c'est l'ombre de la mort. Pourquoi tous ces médicaments? Donc, ma somme en pharmacie, barbari, bien à quoi pour tout yam? Les pharmaciens viennent, on les avait payés chez moi. Non, bien aimé. L'argent, ce n'est pas pour aller là. L'argent, c'est pour servir Dieu. L'argent, c'est pour te faire du bien toi-même. Mais tu prends ton argent. C'est dans les médicaments. Et puis, il y a un médicament et ma paracétamol. Ce n'est pas ma spécialité. C'est seulement ce qui est spécial. Non, mon éthique. Toi-même, tu c'est dis ce oui. C'est que le diable aime toujours. Il est chétan en appel. Pardon, je dis, amen. Le diable dit, voilà, amen, Dieu, lui-même, il a accepté que Kimvuri qui a maout. Que l'ombre de la mort. Non, non, bien-aimé. Apana. Fais ton vœu, Dieu. Fais ton vœu. Moi, chaque jour, je prépare mon vœu à Dieu parce que je sais que j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Frères et sœurs, prépare ton vœu. Toi aussi, si tu n'en as pas aujourd'hui, mets dans l'enveloppe écrit demain, tu honores ton vœu. Parce que faut pas qu'on t'arrache les années qui restent dans ta vie. Aïe pas chez Miotoka ya koyote ma camion que pas maïe. Faut pas que tous tes véhicules se retrouvent au-dessus des. Ah c'est ma panne, il y en a déjà mécanique. Frère, aïe n'a pas déjà mécanique. Ma panne, ça c'est pas la connaissance de la mécanique. Ben de bakafunde kou espété, ba mécanicien. Allez étudier à l'espété. Ils n'ont pas étudié pour moi. Aïe bakafunde Dieu. Moi mes camions. Tu dois faire les affaires et me donner la raison. C'est pourquoi demain nous allons prier. Il est makajikaz yote bimvuri. Bimvuri bien ma outipi kune indiana ya kucheza cheza. Qui est en train de bouger. Non, non. Demain, rendez-vous de prière. Que Dieu nous aide. On va prier. Si tu peux jeûner, tu jeûnes. Nous voulons prier. Parle à ton vœu. Dis Seigneur, Mungu. Il veut mina fanya na we. Il veut mina fanya na we. Mina katala ma mort prématurée mu maisha yangu. Mina katala ma mort prématurée. Mu batoto. Batoto. Mu kizazi. Mu kizazi. Ndugu yangu alikufa prématurément. Frère, moi j'ai prié hein, quand je préparais ce message. J'ai réalisé que mon grand frère est mort prématurément. J'ai dit, Mungu. Moi je savais que ça s'arrête. Si baki, nous qui sommes Akuna il y aura personne qui mourra Akuna tena. Personne avant de tout surprendre. On n'allait pas, on ne va non, pas finir ce jeu là. Mina katala. Je refuse. Nashi. Et nos enfants. C'est fini. C'est fini. Même la maman qui est restée, elle doit vieillir. Assez ta couffa prématurément. Non, c'est fini. Parce que nous avons découvert le Seigneur. Et nous prions pour ça. Bien-aimé, parle. Parle à ton vœu. C'est pour ça que des vœux comme ça. Oh, ça j'aime. Des vœux comme ça. À Kinshasa, c'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. Parce qu'il trouve que la vie vaut plus que tout. Alors, parle à ton vœu. On sent toujours cette chanson. Même demain, cherchez-moi quelqu'un qui peut bien chanter ça. Montez encore pendant que nous parlons. Élève ta voix, commence à parler. Oh, merci, Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, écoute nos prières. Que nos prières et nos feux montent devant toi. Que ça monte devant toi. Nous pouvons donner nos feux. Le panier est là, tu peux donner ton. Que tu écoutes nos prières. Nous sommes venus vers toi ce soir. Bénis ton peuple. Écoute nos prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons que nos années, le reste, nous soient arrachées. Nous refusons l'ombre de la mort dans nos vies. Nous te faisons confiance parce que tu as arraché les clés. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Non. Demain, c'est vendredi. C'est vraiment un jour de prière. Nous voulons être vraiment là à temps. Si tu es vraiment en retard, arrive à 17h. Pour nous permettre de parler de tout ce qui reste. De commencer avec la table. Et après la table, nous allons faire une forte prière. Et je crois que Dieu va nous faire grâce. Et prends des engagements avec le Seigneur. Bien-aimé, n'attends pas. Travaille en prévention que de travailler en mode curatif. C'est important dans la vie. Nous rappelons notre programme de la semaine. J'encourage ceux-là qui continuent à faire du bien aux uns et aux autres. Faites du bien. Faites du bien. Et Dieu va se souvenir de vous. Dimanche, n'oubliez pas le programme. Tous les groupes vont chanter. En passant, je félicite déjà les frères de l'éducation chrétienne sur leur groupe. Je sens que beaucoup top à ta répétition. J'étais content. Je lis toujours, même si je ne réponds pas. Il se donne des couplets, des cantiques, qui va faire quoi. J'espère que les mamans aussi répètent, la JPC, les codim, le protocole m'ont dit, j'ai vu quelques-unes de mes filles là, je ne les vois pas aujourd'hui, qui répétaient aussi. Voilà, moi si je vais chanter avec grâce, on va chanter dimanche avec Iléou. Voilà, nous préparons aussi un cantique. Voilà, donc dimanche, ça sera un jour spécial. Je pense que Dieu va nous faire grâce. N'oubliez pas notre contribution pour les blocs de ciment. Ce sont les blocs de 15. Vous nous dites là où vous les avez rassemblés. Et après, le département, la commission de construction passe, récupère. En tout cas, lundi, nous sommes tous au chantier à Joli Site pour lancer les travaux et nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accompagne.